réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 24 mars. Il faudra attendre 6h30 pour avoir les derniers développements de l'actualité, les premières informations du jour. En attendant, c'est votre réveil culturel tous les jours de la semaine de 6h à 6h30 ou quand vous voulez, en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr. Depuis lundi, la médiéviste Julie Pilorger nous parle des femmes au Moyen-Âge, les femmes européennes. Aujourd'hui, quatrième épisode. Et en deuxième partie, je reçois la poète Vénus Kurigata pour son ouvrage édité chez Gallimard, « Les mots étaient des loups ». Les femmes au Moyen-Âge, loin des idées reçues. Une série avec la médiéviste Julie Pilorger. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, quatrième épisode, les femmes seules, entre émancipation et marginalisation. Voilà. Alors, je voulais commencer par évoquer donc la question des veuves, hein, puisque c'est une réalité dans la société médiévale. On parle plus des veuves que des veuves, tout simplement, parce qu'on ne désigne pas non plus un homme par rapport à sa fonction maritale. Donc il y a, c'est vrai, une image un peu biaisée du veuvage féminin qui semble vraiment beaucoup plus important que le veuvage masculin. Il y a un effet de source, mais également la question du remariage qui pose problème à la fin du Moyen-Âge. Et le remariage des veuves était parfois mal vu et pouvait donner lieu à des manifestations populaires qui se rapprochent de ce qu'on peut décrire comme la fête des fous. C'est ce qu'on appelle le charivari, où effectivement on allait au devant de la maison d'une veuve qui allait se remarier. Et eh bien, on tournait en dérision ce personnage donc de la veuve qui prend un jeune époux. Et c'est vrai qu'il pouvait parfois y avoir de jeunes compagnons ou de jeunes valets qui étaient intéressés eh bien par la reprise d'un atelier, donc le mariage avec la veuve eh bien du défunt compagnon. Pour des raisons intéressées, on a bien compris. Voilà. D'ailleurs, Christine de Pisan, elle-même veuve très jeune, dans son livre Des Trois Vertus, consacre un chapitre, son chapitre 4, aux veuves vieilles et jeunes. Et donc, dans ce chapitre, elle donne des conseils pour ces femmes seules. Alors, comme on l'a dit précédemment, à l'occasion donc d'une précédente émission, la question du statut des femmes seules, et notamment des veuves, dépend bien sûr de la constitution d'un douaire ou gain de survie par leur mari avant eh bien, le décès de celui-ci. Si elles n'ont peuvent pas subvenir à leurs besoins ou si la vie seule dans le monde leur est trop dure, certaines femmes font le choix d'entrer en religion. Or, c'était la seule possibilité ? C'était pas la seule possibilité, mais c'est une des possibilités choisies par un certain nombre de veuves, alors qu'il s'agisse de veuves royales notamment, mais également issues de l'aristocratie. Or parfois, elles peuvent s'associer et mener une vie semi-religieuse, comme les béguines dans le nord de la France. Alors, toutes les béguines ne sont pas veuves, certaines sont simplement des femmes seules qui n'ont pas pris de mari, mais il est vrai qu'il peut s'agir pour beaucoup d'entre elles, donc de femmes veuves. Ces béguines adoptent un mode de vie à mi-chemin entre le couvent et donc la vie semi-religieuse. Elles apparaissent dans le diocèse de Liège dès la fin du XIIe siècle et vont rapidement recevoir le soutien de nombreux puissants. Le roi Louis IX, Saint-Louis, va fonder le béguinage de Paris en 1260 sur le territoire de la paroisse de Saint-Paul dans le Marais. Et ces femmes vivaient en communauté et travaillaient également. Donc elles menaient une vie basée sur le travail avec leurs mains, sur une vie de prière, donc du travail manuel. Elles menaient également beaucoup d'activités caritative dans un esprit de renoncement au monde. Mais elle ne prononçait pas de vœux perpétuels et pouvait quitter le béguinage comme elle le voulait. Ainsi que le rappelle un poème de Rudebeuf, poète très célèbre donc du XIIIe siècle. Donc ce poème se nomme « Dit des béguines » et il dit « Si une béguine se marie, c'est là son genre de vie. À elle, ses vœux, sa profession ne sont pas toute sa vie. » Donc voilà, le béguinage pouvait être un refuge temporaire ou plus durable, parfois pour des femmes seules. Il faut dire que l'entrée en religion est assez complexe pour les femmes au Moyen-Âge. Le choix d'une communauté religieuse n'est pas facile, tout d'abord parce qu'il y a la question de la dot, hein, que les femmes seules doivent également se constituer pour entrer dans un monastère, hein, puisque comme pour un mariage, il faut également constituer une dot, et bien lorsqu'elles se marient au Christ, il faut également qu'elles rentrent avec une dot au monastère. Il y avait parfois des conditions de noblesse également qui étaient requises pour l'entrée dans certains monastères. Enfin, l'encadrement sacramentel et spirituel des communautés féminines a suscité de nombreuses réticences de la part de certains ordres masculins qui voyaient là un certain surcroît de charge et la porte ouverte, bien sûr, à des tentations pour ceux qui devaient assurer ce contrôle. Bon, les prémontrés ont ouvert un volet féminin, de même que les cisterciens, mais c'est vrai que c'était assez rare. D'où le recours à des modes de vie alternatifs, le béguinage. On a l'exemple de Marguerite de Porrette, comme célèbre béguine, qui sera brûlée en place publique en 1310 pour avoir été l'auteur d'une œuvre controversée, Le miroir des simples âmes. On connaît également la célèbre Marie d'Oigny, dont Jacques de Vitry, célèbre prédicateur du XIIIe siècle, a donc laissé une vie, une vita. On a également l'exemple de femmes qui vont entrer en reclusage. Alors, c'est-à-dire qu'elles se font recluses. On en trouve un exemple fameux dans le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Donc, ces femmes qui ne souhaitent pas vivre seules dans le siècle, parce que c'est très dur, hein, je n'ai pas évoqué la question, mais vivre seule dans le siècle, c'est être marginal. Il n'y a pas de place pour une femme seule, pour une femme seule de bonne renommée dans la société médiévale. Donc, elle est aussi, du coup, plus exposée aux violences masculines et font parfois le choix d'entrer en religion. Cette entrée en religion, ça peut être la communauté religieuse, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être le béguinage, ça peut être aussi donc le reclusage. Le reclusage, c'est l'entrée dans ces petites logettes qu'on trouve beaucoup au point nodaux des villes médiévales, que ce soit donc à côté d'une église, d'un cimetière, d'un pont. Elles entrent donc dans une cellule qui est fermée notamment pour le reste de leur vie et elles communiquent seulement avec les passants qui viennent notamment leur donner l'aumône au travers d'une petite fenestrelle. Et donc ce sont une sorte de bouc émissaire de la cité puisqu'elles renoncent à la vie, elles renoncent au monde et prient en fait pour le salut de la cité. Les pèlerins donc leur donne l'aumône et en échange, elle prie également pour leur sécurité. Et c'est vrai que cet exemple a frappé beaucoup à la fois les contemporains et aussi beaucoup les 19e et les historiens du 19e par effectivement le caractère très extrême de cet enfermement, puisque souvent les logettes, d'après les quelques règles de vie que l'on possède, notamment celle d'Aelred de Rievaux, qui au 12e siècle écrit une règle donc pour les recluses, pour sa sœur recluse qui s'est retirée, ou également la règle de Denis le Chartreux au XVe siècle, ils expliquent tous les deux que ces logettes ne doivent pas excéder plus de quelques mètres de circonférence. De quoi, en gros, étendre les bras de chaque côté et en hauteur. Et il y avait effectivement le strict minimum dans ces logettes. On peignait à l'occasion, on voit parfois que la communauté donne quelques sous à la recluse pour peindre une image pieuse, pour qu'elle puisse se recueillir. Mais sinon, c'est vrai qu'elle devait vivre dans un dénuement le plus total. Alors Julie Pilorgier, pour terminer cet épisode consacré aux femmes seules, entre émancipation et marginalisation, là vous avez surtout parlé de marginalisation, à quel moment le fait de vivre seule pour une femme n'est plus quelque chose de marginal ou de mal vu? Ça ne l'est pas si elle est veuve. si elle est veuve et qu'elle respecte son veuvage, qu'elle ne côtoie pas des jeunes hommes ou des hommes plus vieux, ça l'est à partir du moment où voilà, elle est en conformité avec les trois statuts qu'on lui oppose dans la société médiévale. Soit elle est vierge et se comporte comme telle en entrant dans un couvent ou eh bien parfois dans un reclusage, soit elle est veuve, exerce le métier de son mari, subvient à ses besoins et élève ses enfants, et dans ce cas on ne lui reproche rien. Une femme qui serait seule et qui n'aurait pas de statut matrimonial, c'est suspect. C'est suspect car dans une société profondément eh bien, marquée par la chrétienté, par eh bien, le message biblique, c'est le devoir d'une femme aussi que de procréer. Et donc de se marier. Et donc, cette marginalisation des femmes seules va traverser tout le Moyen-Âge. Voilà. Et ça nous amène à la question des prostituées, notamment, qui sont progressivement... Enfin, qu'on tente de chasser de la vie médiévale, hein, mais on y parvient en fait assez mal. La femme qui vit seule est vue... comme une marginale. Alors on va souvent la dénommer d'après des termes très généraux de fille, fillette, fille publique. Alors là, on la désigne comme prostituée, mais c'est intéressant de voir que le terme de prostituée à proprement parler n'existe pas au Moyen-Âge. Et justement, il y a tout un flou autour de la désignation de ces femmes seules qui eh bien, sont sujettes effectivement à des agressions. On estime de toute façon qu'une femme qui ne serait pas vierge et qui ne serait pas mariée, qui ne serait pas veuve, eh bien, est une femme de mauvaise renommée et dont eh bien, la virginité est de toute façon mise en cause. Et les femmes qui quittent le foyer conjugal ? Alors, il y en a bien sûr quelques exemples. C'est un terrain de recherche très nouveau. Hein. Stéphanie Richard, je le souligne notamment, eh bien réalise actuellement une thèse sur la question de la séparation dans le couple. Ça existe. Hein. On trouve dans les sources effectivement des femmes mariées, divorcées, séparées. Hein. On utilise plutôt ce terme de séparation. Parfois, la séparation est prononcée effectivement par les autorités. Parfois, c'est une séparation de fait, soit que le mari eh bien, soit parti à la guerre et n'en soit jamais revenu, soit eh bien, qu'ils aient tous les deux décidé, donc chacun de leur côté, de mener une vie différente. Il est très difficile de connaître le statut de ces femmes. Il est juste certain qu'elles sont considérées comme des femmes du peuple, à la renommée, eh bien, on va dire, si ce n'est douteuse, elles ne font pas partie de celles qu'on va nommer, en tout cas, les bonnes et preux de femmes de la ville. Les femmes au Moyen-Âge, loin des idées reçues, en compagnie de la médiéviste Julie Pilorger. C'est notre série de cette semaine. Demain, dernier épisode. Et demain, on va voir, justement, les femmes en dehors de la loi, les délinquantes, la délinquance féminine à la fin du Moyen-Âge. C'est notre thème pour le dernier épisode. On se retrouve demain, Julie Pilorger. Merci beaucoup. À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. D'où viennent les mots ? De quel frottement de sons sont-ils nés ? À quel silex allumaient-ils leurs mèches? Quel vent les en convoyait jusqu'à nos bouches? D'où viennent les mots? Leur passé est bruissement de silence retenu, barrissement de matière en fusion, grognement d'eau mauvaise. Les mots, vol aveugle dans les ténèbres, luciole tournoyant sur elle-même, caillou dans la poche du mort distrait, projectile contre le mur du cimetière, il se disloque en alphabet, mange une terre différente dans chaque continent. Ces mots sont extraits du dernier recueil de poésie de mon invité, Vénus Kouri Gata. Les mots étaient des loups, c'est le titre de ce recueil de poèmes choisis, édité chez Gallimard. Bonjour Vénus Kouri Gata. Bonjour Toufik. Bah dis donc, ça fait plaisir de recevoir quelqu'un qui édite dans cette collection poésie de Gallimard. Pour une fois, une femme est publiée de son vivant. Les autres, il faut remonter très loin. Après leur mort, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Akhmatova, Svetaeva. Je me tâte tout le temps pour me dire ce grand bonheur qui m'arrive. Est-ce que je suis vivante ou je suis morte? Est-ce que vous pensez que la poésie est morte aujourd'hui, Vénus Kouri Gata? Pour certains, elle est morte, mais elle n'est pas morte pour d'autres que je retrouve en province, surtout en province, dans les médiathèques, dans les théâtres, dans les universités, dans les écoles, dans les centres culturels. J'étais à ici les Moulineaux avant-hier à la médiathèque, j'étais à Montauban au théâtre Olympe de Gouges avant-hier et il y a plein de monde, il y a 200 personnes, 150 personnes qui viennent écouter un poète, ce qui n'est pas le cas à Paris. Paris n'aime pas les poètes. Pourquoi d'après vous, Vénus Kouri Gata? C'est quoi? C'est une ville où il se passe beaucoup de choses peut-être, donc les gens sont dispersés. C'est une ville triste. À partir de 8h du soir, vous voyez plus personne dans les rues. Les gens sont soucieux. Vous n'avez qu'à regarder les visages des gens. Ils ne sont pas heureux à Paris, alors que les visages sont plus souriants ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de stress? Parce qu'on a plus de temps? Est-ce qu'il faut avoir du temps pour écouter ou... Même faire de la poésie, écrire de la poésie. Écrire le temps, non, je ne sais pas. Je crois que la poésie est habitée dans les vrais poètes. Je ne parle pas des autres qui fabriquent des poèmes. Et qu'un poème explose, sort à n'importe quel moment, même si on est dans le métro, même si on est dans la rue, même ceci. Non, les vrais poètes n'ont pas besoin de beaucoup de temps. C'est le roman qui demande beaucoup de temps. La prose qui demande, parce qu'il faut détruire pour reconstruire... une histoire romanesque qui s'éloigne du réel tout en puisant sa matière dans le réel. Le poème, il s'écrit tout seul. D'où vient-il le mot? C'est un grand mystère, le poème. D'où vient-il, demande-t-on? Il y a une tribu en Alaska qui dit que les poèmes, c'est la cabine téléphonique des ancêtres, c'est-à-dire des morts. Peut-être que ce sont eux qui nous dictent ces poèmes, qui viennent comme ça, un mot qui enchaîne un autre, et puis ça fait un poème. On ne sait pas, quand on est en train de l'écrire, si c'est un poème d'amour, un poème de guerre, un poème sur la mort. C'est une fois terminé, on se dit, tiens, j'ai écrit sur ceci. Enfin, je parle de mon procédé. D'ailleurs, mon procédé, c'est de ne pas respirer toute l'écriture de poèmes qui est de 5, 6, 7, 8 lignes. Je retiens ma respiration. J'ai l'impression que si je respire, le mystère, le miracle va s'arrêter. Je respire une fois terminé. Le poème est un serpentin, comme un serpentin. Il se déroule de lui-même. Le poème, c'est du son, du sens ou des mots? C'est des mots et la phonétique est très importante. C'est pourquoi mon passage de la langue arabe à la langue française m'a posé des problèmes. Je me suis dit, mais pourquoi les sons ne sont pas les mêmes que dans ma langue à moi? Il me fallait trouver des mots qui auraient la même phonétique que le mot arabe. Je ne pouvais pas imaginer que le mot shajarat, qui est arbre, pour moi il était plus vert que le mot arbre, que le mot bahr, qui est la mer, et plus, il y a plus de vagues dans bahr que dans mer. Le mot huzn est un mot qui contient beaucoup plus de tristesse que le mot tristesse. Mais alors, Vénus Kouri Gata, et on l'apprend d'ailleurs en lisant ce recueil de poèmes, vous n'êtes pas passé d'une langue à une autre, parce que vous parlez de votre mère et vous dites c'était plutôt un sabir qu'elle parlait. Oui, elle voulait à tout prix, la pauvre, nous suivre, ses enfants qui étions francophones, qui parlions les deux langues, mon père qui était un as en français puisqu'il était l'interprète auprès du Haut-Commissariat français. Est-ce que la poésie arabe de votre enfance, de votre jeunesse, est présente dans votre poésie française écrite, Vénus Kourigata? Elle la contient certainement, mais au contact de la langue française, qui s'est fait maigrir, qui est devenue plus sèche, plus froide. Éric Fotorino, dans son journal Le 1, dit « La langue française a avalé sa langue ». Et ce qu'il a vrai, elle s'est paupérisée, dit un autre. Moi, je dirais, elle a maigri, c'est plus la langue de Rabelais. Donc, j'ai dû faire beaucoup de polir ma langue arabe, lui enlever tout ce qui est sentimental, tout ce qui est solennel, tout ce qui est ampleur, tout ce qui est exagéré, pour la faire l'introduire dans la langue française qui est devenue très froide, sèche. Vous dites, quand vous faites un compliment pour un roman, vous dites il est écrit jusqu'à l'os, il est sec jusqu'à l'os. C'est pas possible. Vous diriez ça à un écrivain arabe et croirait que vous êtes en train de le démolir. Donc il y a une autre esthétique, une autre manière de voir les choses, de voir les mots. Mais vous pourriez écrire en arabe, Vénus Kourigata. Vous pourriez écrire en arabe. Je traduis de l'arabe. Je n'écris pas l'arabe. Je traduis. C'est moi la traductrice des quatre derniers recueils d'Adonis, de beaucoup d'autres poètes. J'aime rester entre ces deux langues, mais avec la peur. J'ai l'impression de conduire quand je traduis. Je regarde l'arabe d'un côté, le français de l'autre, avec l'ampleur de l'arabe, ses adjectifs, ses métaphores, ses sentiments, sa sentimentalité, je dirais même. Et le français sec, froid, austère de l'autre côté, j'ai l'impression de conduire deux voitures en même temps et qu'il faut tenir les deux volants pour ne pas entrer droit dans le mur. C'est terrible. Dans quelle région de France ou d'ailleurs dans le monde parle-t-on un français que vous aimez, Vénus Kourigata? Partout, par les francs-banais, par les francs-québécois, parce qu'ils ont jumelé deux langues en même temps. Ils ont gardé les saveurs, les odeurs de leur langue maternelle, à laquelle ils ont ajouté ce français qui fait garde-fou contre les dérapages. Il faut pas le dénigrer. Ah oui? Comment ça? Oui, parce qu'on déraperait facilement avec notre arabe débordant de sentiments et de sentimentalité. S'il y avait pas le français qui nous ramène toujours aux justes mesures. Je sais pas ce qu'il en est des Québécois et des autres. Je ne les ai pas fréquentés. J'ai pas fréquenté leur langue. Mais on le voit un peu chez certains quand ils se mettent à écrire en la langue de Bouctouche ou d'autres dans le centre du Québec. J'aime bien ces deux langues qui se retrouvent dans un même moule, qui expriment beaucoup de choses en même temps. Je ne sais pas, le Québécois qui en même temps qui sent l'écorce et la neige, le français libanais qui sent le sable et le désert, le français égyptien qui sent égyptien comme ils disent eux, qui sent la foule, qui sent le fleuve qui nourrit toutes ces terres arides. Chaque français écrit par des francophones est différent de l'autre. Il y a des francophonies, il n'y a pas une seule francophonie. Alors justement, avant de commencer cette émission, Thomas Duterte, le réalisateur, m'a dit « Surtout laisse un peu de temps à Vénus Kourigata pour qu'elle lise sa poésie. » Bah, c'est à vous. Merci. Les soirs volubiles, on nous prêtait une fenêtre sur un fragment du ciel. Nous étions la maison et le chemin qui mène à la maison. L'homère déplaçait la porte à chaque passage vers le cimetière. Mais la terre restait la même, malgré les morts qu'on y enterrait. La mère aspergeait le seuil avec la suie de sa marmite, nous cousait de grandes poches pour contenir nos frayeurs, nous cousait ensemble pour ne pas nous disperser. Les bombardements ont fumé le miroir où elle nous cachait avec nos jouets. La guerre terminée, la mère épousa des soldats de plomb. La maison s'enfonçait à mesure qu'elle se mariait. Morte, la mère ressemblait au tilleul de la place, au bois de la table où elle écrivait nos visages. à la bûche qui ne transpire ni ne se plaint de sa fumée. Morte, la mer se mit à nous éviter. Tourna le dos à la lune, moins morte, la mer disait, la lune peint, cuit entre deux pierres. Alors qu'une lune ne balaye pas les miettes des disputes. Une lune ne colmate pas les fissures de l'évier, ne rempaille pas la chaise éventrée, n'allonge pas la chevelure de l'hirondelle. Morte, les larmes de la mer furent réparties entre trois trous. Les mots étaient des loups, c'est le titre de ce recueil de poèmes choisis par Vénus Kourigata avec une préface de Pierre Brunel. On passe à... Le grand comparatiste de la Sorbonne. Ah oui, et apparemment, elle a mis très proche. Il m'a fait 18 pages, il a été très très généreux avec moi, il a expliqué toute ma démarche. Ah, et vous êtes d'accord, il l'a fait d'ailleurs d'une manière brillante. Allez, on passe au questionnaire. Oui. Allez, première question. Vous choisissez une question, Vénus Kourigata. Le plus beau poème en langue française, certainement un poème de Baudelaire, je ne vais pas dire lequel, tous. Allez, citez-nous. Oh, c'est... Un poème de Baudelaire. Le soir, est un, le voyage l'enfant, à l'enfant qui... Je l'aurais apporté avec moi si je le savais, à l'enfant amoureux de cartes et d'estampes. Deuxième question. Le plus beau poème en langue arabe, c'est un des plus beaux, c'est Moutalabi, un poète abbasside, et qui dit Al-Khayl wal-Layl wal-Sahra. Je ne me rappelle plus tout à fait Al-Khayl wal-Layl wal. Le cheval, la nuit, oui. Le désert. Wal-Sayf wal-Rumh wal-Qustas wal-Qalam. Oh là là. As-Saifu, l'épée. L'épée. Wal-Qaws le As-Saifu wal-Rumh. Rumh c'est la flèche. Ouais. Wal-Qurtas wal-Qalam le cahier et la crayon. Et le crayon. Voilà, tout ça c'est sa vie. Il met l'épée dans une main et le crayon dans une autre. Troisième et dernière question. Voilà. Le plus grand poète de tous les temps, tous les deux, mais ils sont tous grands, les vrais poètes. J'aime beaucoup Michaud, j'aime beaucoup Neruda. Il faut aller le 29 mars l'écouter à la Maison de la Poésie. On a découvert ses 29 derniers poèmes. J'y vais en rampant là-bas. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir ce matin. Merci. Et de vous savoir en excellente forme, Vénus Kourigata, comme quoi, avec l'inspiration, la santé va avec, non? Oui, parler poésie me requinque. Merci beaucoup. Je vous laisse faire le générique de fin, c'est une habitude dans un autre jour. C'est un autre jour est possible. Une émission de Toufik Hakem, que vous pouvez écouter tous les jours de la semaine à 6h du matin, ou quand bon vous semble, en passant par le podcast et l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr. Préparé par Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, Un autre jour est possible et réalisé par Thomas Duterre, avec ce matin à la technique, Bernard Laniel. Quelle belle voix, voilà. Merci, vous m'engagez, vous me faites travailler avec vous. Mais quand vous voulez. J'ai fait pendant 15 ans l'émission Un livre des voix, puis après... Et vous gardez un bon souvenir de la radio, Vénus? Génial, j'adore la radio et j'ai horreur de la télévision. Et nous, on adore vous écouter à la radio. Merci d'être venu ce matin. Bonne journée, on se retrouve demain.